Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, puis donc j'espère aussi que vous allez passer une bonne après-midi, surtout avec, bien sûr, moi-même avec l'accordéon. Voilà donc, sans plus tarder, ben, on va continuer bien sûr l'accordéon avec la valse Édouard, et puis juste après lui, un autre morceau de valse. Le titre s'appelle tout simplement La valse des lilas blancs. Arc-en-ciel, un amour de SM. saison nouvelle. Aimons-nous comme des enfants, aimons-nous car la vie est belle.

La farandole qui nous appole au son des fifres et des tambourins. C'est une ronde qui nous inonde pour pas se soucier du lendemain. Voilà donc, et puis juste après, on écoutera tout simplement la valse de valse, tout simplement, de tout simplement d'Alsace. We'll be right back. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est aussi ça. Et donc un petit bonjour à Geneviève qui m'avait demandé tout simplement deux titres différents. Le premier c'est tout simplement Pierre-André et puis le deuxième Jean-Désiré Bailly. Donc eh bien les voici. Des étoiles qui brillent dans les yeux des filles d'ici. Tous les plaisirs de la planète, rendez-vous ici ou là. Il suffit pour faire la fête de tapasser de sangria. C'est pour ça que j'aime l'Espagne. Dans l'hiver, je suis Hidalgo. Pays d'amour et de cocagne, je ne fais pas le distinguo. J'aime l'Espagne, j'aime ses villes. Et l'Alhambra, et le Prado, le blanc des maisons de Séville, et ce feu qui brûle la peau, de la chaîne du Cantabrique, petite sœur des Pyrénées, à celle au midi de Bédique, près de la Méditerranée, le vent colporte des légendes sur des accents de fandango qui s'amplifient et se transcendent sous les guitares flamenco. C'est pour ça que j'aime l'Espagne. Quand j'y vais, je suis Hidalgo. Pays d'amour et de cocagne, je ne fais pas le distinguo. J'aime l'Espagne, j'aime Sicile. J'aime les jeux de sable et d'eau. Et puis c'est vrai, j'aime ces filles. Elles ont le corps et le sang chaud. côté du Brésil avec Bravo, tout simplement l'Espagne. Souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. ces gars-là. Sauve-t-elle ces vieilles arcades, les plateaux au mont Climacec, Villefranche et ses colonnades, et le Bosque cher à Toulouse-Lautrec. Nous avons dans notre rouergue tant de beauté qui rendent jaloux, de nos selles les tripous et les foires de Rieux-Pérou, les salaisons du pays, parce qu'elles sont belles les filles ici. S'en va déguster à Oustal en été. Et le train passe encore sur le viaduc du Vior, de Rodez à Albi. Ça sent bon le midi. Sauve-terre ces vieilles arcades, les plateaux au bon climat sec, Villefranche et ses colonnades, et le Bosque cher à Toulouse-Lautrec. Nous avons dans notre rouergue tant de beauté qui rend le jaloux, de nos selles les tribous et les foires de Rieux-Pérou, les salaisons du pays, parce qu'elles sont belles les filles ici. Voici donc eh bien, le tango tout simplement de la Musette avec Cyril Renaud et puis juste après le disco. que ce morceau-là, ça tient le moral d'écouter cette chanson, ça donne le rythme. Voilà donc, si vous prenez l'écoute, vous êtes bien à l'écoute d'Arc-en-Ciel avec Nicolas jusqu'à 16h avec bien sûr l'accordéon. Donc, eh bien, je vous laisse avec Daniel Pouillard et le titre Vals des souvenirs. Tombe doucement la neige sur ton doux visage, un beau jour de décembre. Sous la chaleur et vieillir. Le temps qui passe, par la vie qui avance. Te souviens-tu de l'endroit, moi un peu maladroit, où je t'ai dit je t'aime? Moi, j'y repense quelquefois, je te revois là-bas, mes souvenirs m'entraînent. Contactez le 02 38 43 48 00. L'accordéon, le tambourin, les castagnettes. Quel beau trio pour enflammer le bal musette. Ne manque plus que la guitare et le saxo. Et c'est parti pour un holé, pour un passo. Puis la cymbale, la caisse de fer et la trompette viennent alors attirer par ces terres de fête. Et l'on entend résonner à tous les échos sur le plancher, le pas nerveux des Hidalgo. Passo, passo, passo, passo. Passo, passo, passo noble, toutes les ça. Sa musique fait tant de bien. Basso, basso, basso noble. Basso, basso, basso noble. Son chant s'élève, noble et fier, de Carthagène à Saint-Amer. L'accordéon, le tambourin, les castagnettes. Quoi de plus chaud pour étourdir toutes les têtes. Bande par deux, les couples pris par le tempo. Par redoublé, marche collée, peau contre peau. Et la cymbale, la caisse claire, la trompette. Vibre ton cœur, un même élan, union parfaite. Et l'on peut voir que les amours, fortissimo dans tout le mal, se multiplient grâce au basso. Basso, basso, noble. Basso, basso, basso noble. Toute l'Espagne nous éteint. Sa musique fait tant de bien. Basso, basso, basso noble. Basso, basso, basso noble. Son chant s'élève, noble et fier. De Carthagène à Saint-Amer. Voilà donc, on va rester avec le passo. Voici donc le passo des Biantico, un Véro que je sais qu'elle aime le passo. Et juste après, Erika, tout simplement le Tyrol. Martial, un amour de la scène. Tout simplement l'orchestre de Dominique Morzin, voilà, avec Mexicaine. Et puis juste après, nous écoutera tout simplement, et bien, Fleur du Jura, avec l'organiste tout simplement qui s'appelle Daniel Pujat. We'll be right back. Simplement l'étoile des troubadours et puis juste après Folie Musette.

avec tout simplement, il s'appelle Jean-Paul Crécédon. Des castagnettes. Bienvenue dans nos programmes. On retourne avec un autre morceau de country. Vous êtes prêts? On va faire comme dans le Far West et lancer la country music. Voici l'histoire d'un vieux cowboy. Il a fait sur son vieux banjo. La journée sur son cheval. s'appelle tout simplement Pierre André et le titre La Chicanense. Après, retour à l'accordéon avec Country. We'll be right back. et à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Java de la Varenne. La valse, et voici donc le beau Danube bleu, la valse viennoise. Thank you.

Arc-en-ciel, un amour de FM. un amour de la femme. Tout simplement avec la vanne, c'est tout simplement Mamie aux musettes. garde nos plus beaux souvenirs. C'était sur musique d'accordéon qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Voilà donc. Donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. On va se retrouver donc déjà la semaine prochaine, ainsi donc, eh bien, mardi. Et puis donc, vendredi, toujours à partir de 13h30. Et puis ainsi, dimanche, toujours pareil, à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Et donc, passez un bonne fin de week-end et c'est bon, je vous dis bonsoir. encore, et Sébastien nous stoppe. On était des rois de la porte.